bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Bienvenue au Lobster 140.0. Eh oui, on est déjà à 140. Ça s'approche. On approche de 200. Je sais pas ce que je vais faire pour le 200. Pour le 100, j'avais fait une pièce de théâtre. En tout cas, on verra. On verra quand on sera rendu à 200. Ben, pour l'instant, Lobster 140.0. Et il fait-tu pas beau? Eh oui, on est rendu à la mi-décembre. Le ciel est bleu dehors. Je viens d'aller dehors là, ce midi pour aller porter un colis à la poste. Puis... il faisait neuf. Toute la neige est en train de fondre sur le terrain. Puis là, d'après moi, c'est une année là, El Niño, là, je dis ça à chaque fois. Les années El Niño, là, il fait toujours un peu plus chaud. Fait que cette année, je vous prédis là, qu'il va mouiller à Noël, comme la dernière fois qu'il y a eu l'effet là, El Niño. Ouais, on avait eu un Noël sous la pluie. Puis là, avec le réchauffement, ben c'est de mieux en mieux. Je pense même que je vais bientôt pouvoir avoir une serre à l'année. Ouais. Si les températures dehors ils continuent à s'améliorer comme ça, je pense que je vais garder ma serre là, 4 saisons. Donc, si vous pouviez là, continuer vos petits efforts, là, si on continue tous dans le même sens, ben, on va l'avoir, notre augmentation de température planétaire de 2 à 5 degrés. Bon, si on revient au Lobster, cette semaine, on parle de quoi? Ben, on parle de l'eau. Ouais. J'ai écouté une émission sur Netflix là, qui m'a fait me questionner sur l'eau qu'on boit. Donc, il va y avoir un de mes sujets, que c'est ça, on va jaser d'eau. Mais qui d'autre jasait d'eau? Eh bien, voici, je vous fais écouter un petit message souvenir. Ça, c'est intéressant. Oh, ça fait 2 jours qu'on n'a pas bu une seule petite goutte d'eau. Il fait chaud. Oh, oh, on a soif. De l'eau! De l'eau, vite! Ouh! Un verre d'eau! Ah! Vite! Fais-le avec moi! Ah! Et oui, c'était un petit extrait de l'émission de Passe-Partout. Moi, j'ai été instruit comme ça, là, avec Passe-Montagne qui me mimait comment boire de l'eau là, quand il fait chaud. Donc, un peu plus tard dans Lobster, je vous parle de l'eau. Et Passe-Partout va elle aussi revenir pour nous raconter une petite histoire d'eau. Sinon, du côté des autres nouvelles, ben il y a plein de petites choses cette semaine là, que j'ai pris en note. Première des choses, j'ai vu la bande-annonce du flic de Beverly Hills 4. Juste d'entendre cette musique, ça vous rappelle pas des bons souvenirs? Moi oui, juste là, j'ai le goût de réécouter le 1. Je sais pas si c'est dans le 1 qu'il y a comme une enquête ou il marche là avec ses pieds puis il y a il y a comme une boue avec du pétrole dedans. Ça c'est dans le 2 je pense. En tout cas, j'ai vraiment le goût de réécouter ça là, ça fait trop longtemps que je les ai pas vus. Donc, le 4, lui, la bande-annonce vient de sortir. Le film doit être disponible sur Netflix en 2024. Puis dans la bande-annonce, il n'y a pas de date de sortie, mais selon ce que je lis dans l'article, ils disent que ça doit sortir été 2024. On n'a pas la date précise, mais c'est à l'été 2024. Donc, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur l'histoire. Ils n'en disent pas beaucoup dans la bande-annonce, mais j'ai trouvé quand même ça sur le wiki du site du film. Ils disent « Axel Foley est de retour à Beverly Hills. Lorsque la vie de sa fille est menacée, il fait équipe avec elle, avec une nouvelle recrue et avec ses anciens camarades Billy Rosewood et John Taggart pour faire monter l'adrénaline et mettre au jour un complot. » Donc, c'est un film que j'ai bien hâte de voir. Ça va sûrement être divertissant, là. Quoi d'autre? Aussi, j'ai vu la bande-annonce de Fallout. Et pas Fallout, bon, la semaine passée, j'avais niaisé là-dessus, là, j'avais inventé plein de choses, mais c'est comme je m'attendais, mais avec une surprise. Dans la série, dans la bande-annonce, là, on semble suivre une héroïne. Eh oui! Donc, la bande-annonce, on a pu voir Lucie, qui est jouée par Ella Purnell. Moi, je ne la connaissais pas, cette actrice-là, mais en tout cas, c'est elle qui semble jouer l'héroïne qu'on va suivre dans la série. On la voit sortir de l'abri 33. On la voit sortir, puis à part explorer le monde le post-apocalyptique de Fallout. Dans la bande-annonce, on voit aussi qu'il va y avoir une portion d'histoire qui va tourner autour de la confrérie de l'acier. La semaine passée, moi, je vous parlais des Rangers, qui est aussi une gang là, qu'il y a là-dedans, mais bon, l'histoire va tourner autour de la confrérie de l'acier. On les voit dans leur grosse armure, comme dans Fallout, là, ils ont des armures extrêmement puissantes là, qui couvrent leur corps au complet. Aussi, un moment dans le jeu, si vous vous souvenez, dans le jeu, on parle avec une goule qui n'a pas de nez. Et bien, dans la bande-annonce, on voit Lucie qui parle avec la goule. Je ne me rappelle pas si elle parle avec ou si elle tire dessus, là. Mais bon, quand on regarde, on voit que la goule est de retour. Puis il semble quand même avoir bien fait les choses. Là, je vous invite à aller voir la bande-annonce. Moi, j'ai l'impression qu'on va aimer ça. Il semble quand même avoir bien reproduit l'atmosphère du jeu. Comme je vous avais dit, on a vu aussi des photos sortir sur Reddit où qui montraient qu'on voyait la station là, où on se construit notre base, là, la station Rocket. C'est semblable que dans le jeu. Donc, pour Fallout, la date, ça sort le 12 avril 2024 sur Amazon Prime. Maintenant, autre nouvelle télévisuelle. Cette semaine, j'ai écouté LOL Québec sur Amazon Prime. Ah là, ça, c'était vraiment drôle. Le concept est simple. Ils ont mis 10 personnes ensemble. C'est majoritairement des humoristes ou des gens, des comédiens drôles. Puis eux, ils n'ont pas le droit de rire. T'as l'animateur qui est Patrick Huard, qui lui regarde plein de caméras puis qui surveille. Puis celui qui t'offre jusqu'à la fin sans rire, ben il gagne 100 000 $ pour un organisme de charité qu'il a choisi. Au début du jeu, ils lui disent qu'ils ont quand même une chance de survivre. Fait qu'au début, si tu ris, le premier coup, t'as un carton jaune, mais si tu ris une deuxième fois, c'est carton rouge. Puis plus le jeu y avance, moins il tolère de choses. Tu peux même pas mettre tes lèvres qui remontent un petit peu vers le haut. Dès que ça a l'air d'un sourire, c'est éliminé, puis ils les avertissent bien. Puis dans LOL Québec, saison 1, il y avait qui comme participants? Il y a Arnaud Soli, Matt Doff, Christine Morancy, Yves Pépeltier, Laurent Paquin, Rachid Badouri, Edith Cochrane, Virginie Fortin, Marilyn Jonca, puis le dernier, c'est Richardson Zeffé. Puis comme je vous disais, c'est Patrick Huard, l'animateur. Ça s'écoute quand même vite, c'est 6 épisodes d'une trentaine de minutes, donc on clenche en 3 heures. On écoute ça une soirée. Moi, j'ai ri, mais j'ai vraiment ri. Je me suis rendu à ma limite de rire. Juste avant de vomir. Car, bon, oui, moi, quand je ris trop, là, je me rends à vomir. Ça arrive pas souvent, là, mais c'est ma limite. Je viens de vendre dur, j'ai mal aux côtes. Puis à un moment donné, ben je vomis. Là, j'étais rendu au ventre dur, plus capable. J'étais couché. J'étais à côté sur le pouf dans le salon. J'avais mal aux côtes. Puis j'étais mort de rire, plus capable. Là, j'étais vraiment sur le bord d'être malade. Là, puis ma copine, c'était la première fois qu'elle me voyait dans cet état-là. C'était magique. Bon, je pense que je vais vous faire jouer un extrait. Quoi de mieux qu'un extrait pour vous montrer c'est quoi? Donc, je vous fais jouer un extrait où on entend Christine Morancy puis Arnaud Soli qui jasent ensemble. Parce que le but, dans le fond, c'est d'éliminer, de faire rire l'autre. Mais vu qu'ils jouent au jeu en faisant ça, quand ils font des niaiseries pour faire rire l'autre, eux-mêmes, ils sont sur le bord de rire. Puis c'est ça qui fait qu'on a juste le goût de rire. Puis souvent, ils reviennent avec... On entend Patrick Huard, qui est l'animateur devant toutes ces TV, puis lui, il est mort de rire. Puis dès qu'il y a quelqu'un qui est éliminé, parce qu'évidemment, ils les éliminent, les gens, là, et ils sortent un par un parce qu'ils réussissent pas à garder leur sang-froid, puis ils finissent tous par rire. Puis ceux-là, ils s'en vont avec Patrick Huard. Fait que là, il y a de plus en plus de gens qui regardent l'émission en riant. Fait que ça nous fait rire aussi. Donc, on écoute Christine Morancy qui jase avec Arnaud Soli. Elle a fait semblant qu'elle a réussi à entrer un gros téléphone dans l'appartement où ils sont, là, mais qu'elle l'a rentré dans son cul pour l'amener là. Donc, qui sont en train de jaser de ça. On écoute. Sérieux, tu m'as appelé. Hein? Tu sais, je sais qu'on va pas avoir de rentrer un cellulaire. Ouais. Mais si jamais tu vas appeler, tu sais, ta fille ou. Ok. Ou texter, ouais. Uh-huh. J'ai rentré, je l'ai caché dans mon cul, mais. Ok. J'ai rentré un téléphone. Ok, thanks. Fait que si jamais tu veux. Ouais, j'en ai. Juste cache-les, parce que sinon la preuve, on va venir le chercher. Mais si jamais t'as pas de poche, je peux le remettre dans mon verre. Ah, je vais faire un petit appel. Tu peux-tu me cover? Oui, parfait. Allô, chérie? Oui? Oui, ça se passe bien. Non, c'est pas très drôle. Hey, chérie, j'avais parti une brassée de blanc, là. C'est ça, un vrai pet, Christine? Voilà pour l'extrait. Donc, ce bout-là, moi, je l'ai trouvé hilarant. Là, c'est le bout qui m'a fait le plus rire. Moi, j'en pouvais plus. Là, j'étais tordu de rire dans le salon. Puis là, c'est ça, on a entendu comme une sonnerie. Là, quand une personne est surprise à rire, l'animateur Patrick Huard, lui, déclenche une alerte. Puis à ce moment-là, ça compte plus. Là, si quelqu'un rit à une fois que l'alerte a été déclenchée, elle ne sera pas pénalisée. Donc, l'animateur, c'est juste pour dire qu'il s'en vient. Puis là, il amène soit un carton jaune, carton rouge. Si c'est le premier avertissement, il donne un carton jaune. Puis si c'est le deuxième, ben là, la personne a été éliminée, carton rouge. Donc, c'est ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à l'écouter. J'ai aussi vu que la saison 2 doit être diffusée au début de 2024. Ils ont déjà annoncé les participants. Les participants, les voici. Roxane Bruno, Fabien Cloutier, Pierre-Luc Fong, Philippe Laprise, Catherine Levac, Mariana Mazza, l'humoriste Nive, Stéphane Rousseau, Ty TL, lui c'est un humoriste aussi, je ne le connais pas par exemple, c'est le seul que je ne connais pas de la gang. Et finalement, Rosalie Vaillancourt. Voilà! Pour la saison 2 de LOL, ça sera ça, les participants. Sinon, de quoi je voulais aussi vous parler? Ah oui, des nains? Non, rien. Cette semaine, j'ai rien à dire sur eux. Les personnes de petite taille, les nains, lutins ou autres noms appropriés aux noms que vous utilisez là, pour les nommer, travaillent très fort en ce moment pour préparer les cadeaux de Noël pour les enfants. Donc, on les laisse tranquilles dans ce Lobster 140.0. Sans cœur de ville, l'or de l'espoir, loin de De retour dans le Lobster 140.0. Et maintenant, quoi de nouveau? Eh bien, j'ai eu du changement dans mon entourage. Et c'est qui ce nouveau? Un nouveau frère? Et non, j'ai toujours le même. C'est toujours l'homme bout, celui qui est sorti d'une tourbière là, puis qui a remplacé mon vrai frère. Non, le nouveau, c'est que ma copine a adopté deux chiens à la SPCA. Deux chiens de race samoyède, c'est des chiens blancs là, qui font un beau sourire. Elle a adopté une maman de 6 ans et un de ses bébés de 2 mois. Donc, il venait en couple de deux. Quand elle est allée les chercher, bien, elle a vu qu'il y avait la maman puis elle a vu qu'il y avait le bébé, fait qu'elle est repartie avec les deux. Ils sont super cute. La maman, elle est à 6 ans, elle est déjà domptée puis elle écoute bien. Donc, il reste juste le bébé là, qui a 2 mois à entraîner. Moi, je les trouve vraiment douces et tranquilles. Donc, ce sont deux beaux chiens qui sont arrivés là, avec nous cette semaine. Et quoi d'autre? Maintenant, c'est le temps de parler de ce que je vous avais annoncé en début de Lobster. Je veux vous parler d'eau. Sur Netflix, cette semaine, on écoute ça depuis un bout de temps. Il y a une émission qu'on écoute qui s'appelle... comment ça s'appelle? Les pieds sur terre avec Zac Efron. Moi, je ne le connais pas, Zac Efron, mais bon, ma copine m'a dit qu'il jouait dans Baywatch, donc il est connu, mais moi, je ne le connais pas. Donc, dans cette émission-là, Zac Efron, il est avec Darren O'Lien, c'est une autre personne qui, lui, écrit des livres sur... qui a écrit un livre sur les bonnes choses à faire. Ah non, les super aliments. Donc, lui, c'est quelqu'un qui fait des recherches pour trouver les bonnes choses pour la santé. Donc, c'est ça son créneau à lui. Donc, on a écouté cette émission-là et il y avait une émission qui était sur la France. Et dans cette émission-là, il parlait de l'eau. Il nous montrait qu'en France, la ville de Paris, là, plus précisément, elle a pris le contrôle, elle a repris le contrôle de la distribution de l'eau. Avant, c'était des compagnies privées qui s'en occupaient. Maintenant, c'est la ville elle-même qui a repris le contrôle et qui a pour objectif de fournir, qui l'a fait, là, a fourni une eau de qualité partout dans la ville. Pas juste dans les maisons, mais dehors aussi. C'est ça que je trouvais intéressant. Il y a des fontaines un peu partout, des gens d'abreuvoir, puis là, les gens, ils peuvent aller se chercher de l'eau de qualité à ces endroits-là. Donc, évidemment, l'objectif derrière ça, c'est quoi? C'est pour que l'achat de bouteilles d'eau là, en plastique diminue. Car ça, c'est un petit peu, on va se le dire, là, c'est un peu de la merde. Là. On boit une bouteille d'eau. C'est ça, c'est pratique, là, une bouteille d'eau en plastique. Mais qu'est-ce qu'on fait après? La bouteille d'eau en plastique, on s'en débarrasse. Souvent, c'est usage unique. Puis le plastique, là, comme je dis toujours, ça prend environ 1000 ans avant que ça se redécompose. Donc, on laisse beaucoup trop de déchets là, en utilisant les bouteilles d'eau en plastique à usage unique comme ça. Surtout, d'après ce que j'ai lu, ils disent qu'en plus que 90% des bouteilles de ce type-là ne sont pas recyclées. Donc, dans le fond, ça pollue pour rien. Donc, si on en revient à la ville de Paris, eux, ils ont mis à la disposition de tous une eau de qualité. Et en même temps qu'ils faisaient ce changement-là, là, de fournir de l'eau qui était bonne, ils ont aussi fourni une application que tu peux télécharger sur ton téléphone pour savoir, peu importe l'endroit où tu es dans Paris, tu peux trouver une fontaine à proximité et tu peux aller remplir ta gourde à cet endroit-là. Ils ont même fourni des spots où tu as un distributeur et aussi un endroit pour acheter des bouteilles comme en aluminium là, durable, donc des bouteilles qui seraient à usage là, multiple. Bref, la ville, elle essaie de faire changer les mentalités. Puis dans l'émission, la personne, là, je pense que c'était la mairesse de Paris là, qui était interviewée, elle expliquait que c'était important d'offrir aux gens de la bonne eau pour qu'ils soient justement intéressés à consommer l'eau de leur fontaine là, ou leur distributeur public. Puis à un moment donné dans l'émission, là, elle donnait l'exemple de l'Amérique du Nord. C'est ça qui m'a fait cliquer, là, qui m'a donné le goût d'en parler. Elle disait que nous, en Amérique, on mettait du chlore dans l'eau. C'est ça qui m'a fait faire le « Donc nous, c'est pas super, super le chlore dans notre eau. Mais bon, pour l'instant, revenons à l'émission avant de parler du chlore. Donc, au début de l'émission, il nous parlait aussi du TDS de l'eau. En fait, l'émission, elle nous amenait dans un resto en Californie pour voir un sommelier de l'eau. Bon, ici, sommelier de l'eau, là, moi, je suis pas convaincu, là. Ça ressemblait plus à un resto qui vend de l'eau chère. Mais quand même, quelques mots là-dessus. Le sommelier de l'eau, il expliquait les différentes eaux qu'il vendait. Là, il commençait à leur faire goûter une eau qui avait un TDS qui était bas, puis il montait. Bon, vous allez me dire, TDS, c'est quoi? Moi, je ne savais pas, mais il explique dans l'émission. TDS, c'est le total dissolve solide. Ça représente, en fait, les minéraux, les matières solides qui sont dissoutes dans l'eau. Donc, plus le TDS est haut, donc plus ça veut dire qu'il y a de minéraux, de sel, de matières organiques ou autres affaires dedans. Donc, selon le sommelier de l'eau, une bonne eau, elle a des minéraux dedans, puis quand on la boit, ça change le goût, évidemment. Parce que j'imagine, ça vous est déjà arrivé là, de boire de l'eau de source et de dire « ça goûte bon » ou de boire une eau que vous achetez, de l'eau de Vichy, puis de dire « ça goûte différent de ce que je bois d'habitude ». Bref, ce resto du sommelier de l'eau, moi ça semblait plus être un spot pour riches, mais à un moment donné, il a sorti une bouteille d'eau là, qui disait qu'il venait d'une source en Slovénie. C'était comme son eau finale. Là. Il dit qu'en plus, dans son restaurant, il était les seuls à avoir cette eau en Amérique du Nord. Puis là, il nous a montré, là, en l'ouvrant avec précaution, il l'a ouvert, on a vu des bulles monter dedans. Puis là, il en a versé à chacun pour goûter. Puis tout le monde a dit « ah, que c'est bon! » Puis moi, je me suis juste dit « ben, il doit sûrement vendre son verre d'eau 100$, là! » Mais quand même, il nous explique que c'est bon. Puis tout au cours de l'émission, on comprend que ce qui est bon, c'est de boire justement de l'eau de source ou de faire un peu comme la ville de Paris qui traite l'eau d'une façon où qu'il ne faut pas rajouter de cochonnerie dedans. Eux, à Paris, ils semblent traiter l'eau avec des rayons UV. Là, ils nous montraient leur genre de machine, puis ça passe, puis il y a des rayons. L'eau passe puis à travers des tubes transparents, puis les rayons UV traversent ça pour venir traiter l'eau. Puis aussi, après ça, il y a comme une étape d'oxygénation qui vient... l'eau passe dans des tubes, elle se fait bombarder de lumière, comme je disais, de V, comme au bout du doigt d'Iti. Puis après, ben ils font faire des bulles, puis c'est ça, ils appellent ça l'étape d'oxygénation. Bref, ce genre de technologie-là de Star Trek, elle rend l'eau bonne sans lui mettre de cochonneries dedans. Puis c'est là qu'à un moment donné, je vous disais, la mairesse a donné l'exemple de l'Amérique, où nous, pour faire ça, pour traiter notre eau, nous, on met du chlore dans l'eau. Donc, nous, notre eau du robinet, il rajoute du chlore dedans pour tuer les bactéries et les autres affaires. Mais c'est là que je me suis questionné pourquoi nous, c'est du chlore. Eh bien, j'ai pas la réponse pourquoi nous, faut que ça soit du chlore, là. Mais, j'imagine parce que ça coûte cher de traiter de l'autre façon. Là. L'usine de Paris, ça a l'air d'être tout nouveau, tout beau, tout neuf. J'imagine qu'ici, il faudrait aller vers ces genres de solutions-là. Puis en plus, ce que je regardais, j'étais allé voir des études, puis ils disaient justement que l'eau chlorée, dans notre corps, après certains temps, là, après plusieurs années, pas après 5 ans, là, mais après des dizaines d'années, eh bien, ça serait pas super bon. Et ce que j'ai lu en cherchant là-dessus, eh bien, plusieurs études chez l'homme ont révélé un lien entre l'exposition prolongée à des concentrations élevées de sous-produits de la chlorination et une incidence accrue de cancer. Et c'est là que je me suis dit, fini, je vais essayer de plus boire de l'eau chlorée. Là. Je vais boire mon eau de source, car chez nous, évidemment, j'ai une machine à eau que je mets de la Labrador ou de la Maro dedans. Mais en fait, c'est ça qui serait supposément bon, boire de l'eau de source qui n'est pas traitée et qui contient encore ses minéraux. Et qui, évidemment, n'a pas été chloré comme notre eau de robinet. Bon, ici, justement, vous vous demandez si chez vous, il y a du chlore dans votre eau. Là, c'est quand même facile à savoir. Là. Vous avez juste à remplir une bouteille d'eau refermable là, avec de l'eau de votre robinet. Puis tu la refermes, puis le lendemain, réouvre ta bouteille. Tu vas voir, le chlore, lui, va s'être évaporé. Puis quand tu vas déboucher ta bouteille, ça va sentir un petit peu le chlore. Donc, voilà. Et je parlais d'eau, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, pour vous dire que c'est bon de boire de l'eau de source. Donc, toutes mes explications, tout ça pour dire simplement que l'eau de source, c'est ça qu'il faut boire. Et oui, on est dans un podcast, je ne suis pas journaliste, je ne structure pas toujours mon texte pour avoir une conclusion là, qui fait nécessairement du sens. Moi, je voulais juste vous dire, buvons de l'eau de source. Même que vous êtes quand même chanceux. Des fois, là, je m'écarte tellement que j'aurais pu conclure avec une histoire de nain qui se baigne dans l'eau. En fait, ça me fait penser, dans l'émission de l'eau dont je vous parlais, un moment, il aborde la question de l'eau magique ou de l'eau guérisseuse du sanctuaire de Lourdes en France. Bon, c'est une eau là, qui supposément guérirait les malades. Au sanctuaire de Lourdes, en France, il y a même un médecin sur place à qui les cas de guérison spontanée sont soumis. puis qui détermine si oui ou non c'était de quoi d'inexplicable. Et il fait toutes les recherches là, médicales qu'il faut, il regarde le dossier du patient, etc., etc. Puis ensuite, si jamais la médecine n'est pas en mesure de déclarer que c'est quelque chose qui est lié à des médicaments ou à une condition génétique, ou etc., là, eh bien, si la médecine n'est pas en mesure de l'expliquer, bien là, les religieux ils vont déclarer que c'est un miracle. Bon, je vous ai résumé ça un peu vite, là. Le processus est plus complexe que ça, puis eux, ils semblent prendre quand même ça au sérieux. Parce que moi, ce que je vais vous parler, ben, c'est de notre sanctuaire de Lourdes au Québec. Et oui, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est dans le bas du Mont-Rigaud, pas loin de chez nous. Donc, quand je vais marcher au Mont-Rigaud, on passe par là. Bon, pourquoi? Ben, parce que le parking y est gratuit. Et bon, d'après ce que j'ai lu, c'est lié justement avec le sanctuaire en France. On est comme dans une succursale là, du sanctuaire. Donc, je vous évite la longue histoire, mais ça serait un des prêtres qui enseignait au Collège Bourget, là, qui est autour du Mont-Rigaud, le frère Luigi Posé, que lui, bon, il croyait en l'affaire là, de France, puis qui a choisi un coin discret dans la colline de Rigaud pour y mettre une statuette de Notre-Dame de Lourdes, et de là est né le sanctuaire. Puis, bon, avec le temps, ils ont fait comme une grotte, comme en France, d'où il y avait une... parce qu'en France, il y a une source qui sort du sanctuaire. Bien, on a la même chose là au Mont-Rigaud. Il y a une source qui sortait, puis ils ont fait comme une grotte autour. Puis c'est ça. À quoi je voulais en venir? Eh bien, en fait, je me demandais si cette eau a les mêmes propriétés de guérison miraculeuse qu'en France. Car moi, quand même, tous les étés, quand je vais au Mont-Rigaud, ben, j'en bois de cette eau-là là, qui sort de la montagne. Quand on monte le Mont-Rigaud, à un moment donné, sur le bord de la route, on voit de l'eau qui sort de la terre, puis ça devient un ruisseau. Donc, c'est évidemment la même source. Là. C'est la même eau qui sort dans le sanctuaire un peu plus bas. Là. Tout ça pour vous poser la question, pensez-vous, j'ai tout fait ça pour en venir à dire, pensez-vous qu'un nain ou une personne de taille réduite qui monte le Mont-Rigaud, qui remplit sa gourde à la source miraculeuse, pourrait guérir de manière spontanée? Ou par exemple, voir tous ses bobos, là, ses bosses disparaître. Style, il pourrait passer de disharmonieux à harmonieux. Donc, être un petit peu mieux proportionné au niveau de sa stature. Moi, quand même, je vous l'avoue, j'aimerais ça être témoin de ça. Voir un nain arriver sur le dessus du mont et crier « Je suis guéri! » Me semble que je le prendrais dans mes bras. J'en parlerai tout le temps après, un peu comme la naine que j'ai nourrie. Parce que rencontrer, je crois, un nain miraculé, il me semble, ça doit tellement porter chance. Si ça, je me dis, si ça m'arrive un jour là, que je suis sur le Mont-Rigaud puis je vois un nain qui crie « Je suis guéri! » Ben, je me suis dit, faut absolument que je lui vole un cheveu, mais juste un, là. Je vais le serrer dans mes bras, puis en arrache un. Comme pour... Avec ça, je pourrais comme me faire une relique sacrée. Tu sais, tu le mets dans un genre de pendentif, là, comme il y en a qui gardent des cheveux de Madonna, pas Madonna, là, mais en tout cas de vedette, là. Donc, c'est ça. Je me vois bien avec ma relique autour du cou pour me protéger. Bon. Je pense qu'on va aller en musique. J'ai dit qu'on ne parlait pas de nains cette semaine, donc je pense qu'on va écouter une petite chanson pour me changer les idées. Donc, on part en musique. Voici l'histoire d'un nain capable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons. Une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Allez, chauffe, Ghibli, chauffe. Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Y avait soi-disant du mitril. S'il y en avait, on sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains. Des gens qui bouffent de la verdure, évidemment ça ne fait pas des bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Et vas-y, envoie les tambours. Par arrière, tu n'es pas bienvenu. Lui dirent les elfes en lui jetant des pierres. Voyant que tout était foutu, il prit la fuite en suivant la rivière. Il fut recueilli par les fées, ondine bleue bulant sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée, il recracha tout dans leur visage. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on aime pas se la surface. Courant à travers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr qu'on y vendait de la bière, mais aucun homme ne voulait servir un nain. Curdil massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison, et de la mine il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas se la surface. Amis, restons bien à l'abri, mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis, allez patron, resserre donc une bière. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas se la surface. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas se la surface. Quand on n'a rien à dire d'intéressant dans une chanson, on fait quelques accords et puis c'est fini pour de bon. La compagnie de Narlebuck a tellement de talent, la compagnie de Narlebuck a tellement de talent, qu'on ne saurait vous en parler, alors voilà, c'est terminé. Tu dis bonjour, je dis au revoir. Du coup, ça fait court, là. De retour dans le Lobster 140.0 et toujours dans le domaine de l'eau de source. Je pensais durant la pause qu'au chalet, justement, on est quand même chanceux. On a deux sources où on va remplir nos bouteilles. Dans les montagnes qui entourent le chalet, on a deux endroits où on peut aller. L'eau, elle sort directement là, de la terre. Puis nous, on remplit nos bouteilles là. Puis l'eau, elle goûte bon. Ça fait que le TDS dont je vous parlais tantôt, qui indique le taux de minéraux dans l'eau, là, il doit quand même être bon. Je ne sais pas la composition de l'eau qui sort de nos montagnes, mais elle goûte bon. Quand tu bois, là, tu te dis « crime que l'eau est bonne ». Moi, je bois aussi de l'eau directement dans la rivière, là, devant le chalet ou dans les ruisseaux autour. Bon, ça, ma mère, elle me dit toujours quand je lui dis ça là, que je vais finir par être malade. Mais bon, je fais ça depuis que je suis quand même petit. C'est sûr que je ferais pas ça dans une rivière de Montréal, là, mais au chalet, je me le permets encore. L'eau de notre rivière, elle vient des lacs là, et de la pluie là, qui tombe sur les montagnes autour. Il n'y a pas d'usine en amont de nos rivières aux ruisseaux. Là, Puis je me trouve quand même chanceux de pouvoir boire de l'eau là, comme ça à l'extérieur dans une rivière. Qu'elle soit encore buvable, en fait. Je me dis, c'est quand même pas partout là, sur la terre qu'on peut faire ça. Là. Le seul danger, en fait, c'est que s'il y a un orignal malade qui a décidé de venir mourir dans un des lacs là, en amont, puis qui est en train de pourrir là dans l'eau, ben, puis que ça descend, c'est là que je pourrais être malade. Mais bon, je me souviens pas là, d'être mort après avoir bu de l'eau au chalet. Puis de toute façon, boire de l'eau à la rivière, c'est ça qu'on nous enseignait. Oh oui, voici la preuve. Sais-tu ce qui fait ce beau son-là? C'est mon doigt qui glisse sur le bord du verre à vin. Je le mouille. Je le fais glisser. Puis ça fait ça. Moi, j'aime ça entendre quelque chose, puis deviner ce que c'est. Comme l'autre jour, chez Fardoche, j'ai fait une grande marche dans le bois. J'entendais Là, je savais qu'il y avait un oiseau quelque part. Mais je regardais à travers les branches, puis... Oh! Je le voyais, l'oiseau, plein de couleurs! J'entendais... Clou, clou, clou, clou, clou, clou, clou, clou, clou, clou, clou, clou, clou, clou. Ça, ça voulait dire qu'il y avait un petit ruisseau pas loin. Je courais dans les fougères, je voyais le ruisseau, je prenais un peu d'eau. Puis là, j'entendais... Je savais qu'en marchant, j'avais fait peur à une couleuvre. Elle était en train de se sauver. Il fallait que je me dépêche pour la voir avant qu'elle soit partie. Puis, si j'entendais... Fille! Oh, là, je savais que c'était Fardoche qui s'ennuyait de moi, puis il me cherchait. Bon, vous avez entendu. Même Passepartout boit de l'eau du ruisseau. Donc, je ne sais pas d'où ça vient mon habitude. C'est le ministère de l'Éducation du Québec qui me dit de faire ça quand j'étais plus jeune. Bon, j'ai quand même dévié un petit peu du sujet. En parlant de chalet, en parlant d'orignal, ben ça me fait penser aux ours. Au chalet, en se promenant dans la forêt, ben on avait trouvé un cimetière d'ours. Je sais pas si c'est des gens qui tuent des ours puis qui les jettent là, ou si c'est comme les éléphants puis les ours quand ils sont sur le bord de mourir, ils partent avec leur canne, leur vieux chapeau, puis ils marchent là jusqu'à un endroit spécifique où ils viennent mourir en groupe. Mais au pied d'une des montagnes, ben, on a un spot où il y a plein d'os. Puis en cherchant dans cet endroit-là, j'ai ramassé deux têtes d'ours. C'est deux beaux crânes blancs là, avec des mâchoires pleines de dents que j'ai évidemment ramassées puis j'ai ramené chez moi. Ça fait des belles décorations. Bon, évidemment, je pense pas que c'est un cimetière d'ours. Là, je pense plus que c'est des gens qui se débarrassent des ours puis qui vont les jeter là. Car veux pas, au chalet, on veut pas d'ours autour qui rôdent autour du chalet ou des maisons qui se trouvent là. Puis comme on est en pleine campagne, ben il y en a. Puis je me souviens que dans le temps, ben c'est plus mon père qui me disait ça, là, le garde de chasse avait dit à mon grand-père que s'il voyait des ours rôder là autour des maisons puis des bâtiments, ben de leur tirer dessus, mais de viser le ventre. Comme ça, l'ours, il meurt pas sur le coup. Il s'éloigne, puis il va mourir plus loin. Fait que t'es pas obligé de t'occuper de l'enterrer, puis de tous les problèmes qui viennent avec le fait d'avoir abattu un ours là, sur ton terrain. Bon, évidemment, on n'a pas le droit de faire ça, là, mais c'est quand même une technique pour s'en débarrasser. Là, tu tires dans le vent. Nous, ben, notre famille, on chasse quand même, on chasse plus depuis des années. Mais bon, je veux pas d'ours proche de la maison. Donc quand même, je dirais merci à ceux qui s'en débarrassent, là, si c'est le cas, puis qui vont les jeter où est-ce qu'on les trouve. Moi, j'ai chassé dans le temps. Je chassais la perdrix, le lièvre, l'outarde, le canard. Moi, j'ai un 12 à pompe là, qui peut tirer jusqu'à 6 coups à la suite. Sur les outardes, il m'arrivait quand même des fois de tirer jusqu'à 4 ou 5 coups d'affilée. Je pense pas avoir tiré jusqu'à 6 coups, là, vidé le chargeur au complet. De toute façon, c'est dur pour l'épaule. Là, un 12, là, ça, il y a un bon recul là-dessus. Puis ce qui est important quand tu tires, en fait, c'est de toujours bien accoter le fusil là, ou la carabine. Là. Si tu laisses de l'espace entre ton épaule et la crosse de l'arme, c'est là que ça vient te frapper. Puis c'est là ben, que ça vient de déboîter l'épaule là, si tu as laissé de l'espace. Donc, le truc quand tu tires au fusil ou à la carabine, c'est que tu accotes bien fort l'arme sur ton épaule, puis ça permet d'absorber juste le recul quand tu tires. Bien sûr, l'autre truc, ben, c'est qu'il y a plusieurs calibres. Là. Tu ne commences pas à la chasse avec un 12 quand tu es jeune. Là. Moi, j'ai débuté, mon père il me prêtait un 410. C'est un calibre dont les balles sont plus petites, le canon est plus petit aussi. Puis ça fait juste bien pour tuer les perdrix puis les lièvres. Parce qu'avec un 12, c'est quand même une grosse cartouche là, qui est plein, remplie de grenailles de plomb. Puis tu es obligé de tirer au moins un pied au-dessus de la bête si tu veux pas avoir juste de la chair déchiquetée. Parce que il m'est déjà arrivé de tirer en plein cœur d'un lièvre, là, de le viser puis de tirer dedans avec le 12. Puis le lièvre il était déchiqueté. Là. Je le prenais puis on sentait que toutes les os étaient cassées dedans. Donc c'est plus mangeable parce que le corps est plein de grenailles. J'ai aussi chassé l'orignal. Bon, je pouvais prendre mon 12 avec des balles qui ont juste un gros plomb dedans, car pour le petit gibier, comme je vous disais, c'est de la grenaille, toutes des petits plombs, mais quand j'allais chasser l'orignal, j'avais des... je me rappelle plus du nom de la cartouche, on disait slug, mais En tout cas, c'est un gros plomb, puis avec ça, là, j'aurais pu tuer un orignal. C'est sûr qu'avec un 12, il aurait fallu que je sois plus proche qu'avec une carabine, parce qu'une carabine, c'est faite pour le gros gibier. Nous, on avait deux carabines, une 308 puis une 303, si je me souviens bien. Ça, c'est le calibre, là. Puis ça, c'est fait évidemment pour le gros gibier. Ça permet de tirer de loin. Moi, j'ai jamais tué de gros gibier. C'est plus mes oncles là, qui tuaient chaque année. Donc, mon père a tué souvent, là, mais pas dans les années où on chassait. Je me souviens pas, en tout cas. Donc, j'ai quand même participé à des chasses là, qui ont été fructueuses ou qu'on arrivait à tuer un orignal. Mais maintenant, dans ma famille, on ne chasse plus. Non. On prend des photos maintenant. Quand on voit passer des orignaux là, derrière le chalet, ben, on prend des photos. Il y a 2 ou 3 ans, ben, il était passé 2 jeunes orignaux là, derrière le chalet, de la même âge, de la même grosseur. C'était quand même beau à voir. Là. Puis je pense qu'on les avait posés là, ou juste filmés. Puis quand on en voit durant la chasse ou qu'on sait qu'il y en a sur le terrain là, en haut du chalet, ben, on ne le dit pas. Non, on ne veut pas qu'ils se fassent tuer. Parce que souvent, là, comme je dis, derrière le chalet sur la montagne, oups, bip, bip, je reviens. Bon, désolé, je suis de retour. Et c'était quoi le bip-bip? Eh bien, c'est juste que mes égrolls étaient prêts. On était en soirée, puis je me faisais 4-5 égrolls pour déguster pendant que j'enregistre le lobster. Donc, on disait quoi avant d'avoir des bip-bip? Je pense qu'on terminait de parler de la chasse. En ce moment, je disais que nous, on chasse plus. Mais je dis pas que je rechasserai pas un jour l'outarde. L'outarde, c'est quand même le fun à chasser. Je suis retourné voir les règlements. Maintenant, on ne peut plus tirer avec de la grenaille de plomb. Il faut tirer avec de la grenaille non toxique. Parce qu'avant, je me souviens que les balles, c'était du plomb dedans, là, des grenailles de plomb. Mais maintenant, la loi a changé, puis il faut avoir autre chose que du plomb. Ça ne change rien pour nous, là, mais au moins, c'est plus toxique. Parce que ces grenailles-là, quand tu tires dans un champ, ben, ça restait dans le sol, puis c'est du plomb qui s'accumulait. Donc maintenant, c'est interdit. Puis l'autre chose que j'ai vu, c'est que maintenant, on a le droit de tuer, je ne sais pas si c'était comme ça dans le temps, là, mais on peut tuer 10 outardes par jour, puis il n'y a aucun maximum dans le frigo, donc c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'outardes. Donc, si tu aimes la viande d'outarde, il n'y a pas de limite à ce que tu peux stocker dans ton frigo. Ils pèsent entre 3 et 4 kilos chacune. Puis quoi, ça coûte 20$ pour 25 cartouches, puis 17$ pour le permis annuel. Donc, tu peux quand même rentabiliser assez vite en viande si tu te mets à chasser l'outarde puis que t'es pas trop mauvais au tic. Donc, moi, si j'avais encore une place pour chasser l'outarde, je pense que je recommencerais. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait une petite pause musicale, juste pour nous changer les idées, puis on revient. On revient tout de suite après la mini-pause musicale. Les chaussettes du nain, les chaussettes du nain, elles sont tellement bien que la chanson est déjà finie. Ah, ça c'était la pause musicale. C'est quand même... J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long. Je pense même que c'est notre plus petite pause musicale de tous les lobsters. Puis c'était juste un prétexte, dans le fond, pour me permettre de changer de sujet. Donc maintenant, d'avoir des chiens dans mon entourage, ça m'a amené à faire quelques recherches. Puis je suis tombé par hasard cette semaine sur un article qui disait... Que deviendraient les chiens si nous disparaissions? Donc, si l'humain n'était plus là, c'est quoi qui ferait les chiens? Les chats, on s'en doute, eux, ils s'en foutraient, ils sont déjà assez indépendants. Mais parlons d'un animal intelligent, le chien. Bon, s'il n'y a aucun doute que nos amis les chats nous oublieraient assez rapidement, que deviendraient nos amis les chiens si nous, les humains, on disparaissait? Donc, d'après l'article, il disait « Actuellement, on compte plus ou moins 1 milliard de chiens sur la planète. Il y a environ 80% d'entre eux qui vivent en liberté, puis les chiens constitueraient l'espèce animale la mieux domestiquée de la planète. » Donc, lisons un petit peu l'article là, avant que je vous donne mon avis là-dessus. Ils disent « Les différents élevages ont donné naissance à une multitude de races. Aujourd'hui, on en compte plus de 400. » À l'origine, les chiens étaient élevés principalement pour remplir des fonctions qui nous étaient utiles, comme la garde de troupeau et bien d'autres choses. Et pour certains experts, être un animal de compagnie n'est qu'un autre type de labeur pour lequel les humains ont sélectionné les chiens tout en accordant une plus grande importance à l'apparence. Il est compliqué de définir si l'être humain bénéficie bénéfique aux canidés. En effet, certains chiens domestiqués peuvent tirer de la satisfaction lorsqu'ils appartiennent à des familles humaines, mais d'autres mènent quand même une vie beaucoup moins belle. Donc, dans l'hypothèse où les chiens ils seraient plus soumis aux volontés des êtres humains, l'impact immédiat serait frappant, d'après l'article, bien sûr. Ils disent « Une sélection naturelle s'opérerait rapidement. Les races qui sont très dépendantes de l'humain auraient du mal à s'adapter et succomberaient. Mais cela affecterait uniquement moins de 20% des chiens, ceux qui vivent dans nos maisons. » Cependant, même pour les chiens qui ne sont pas domestiqués, leur survie dépend des ressources créées par l'être humain, comme les décharges d'ordures ou les bonnes armes qui distribuent de la nourriture aux animaux errants. Bon, ils disent les chiens dépourvus de caractéristiques essentielles à leur survie, telles que l'adaptabilité, les aptitudes à la chasse, la résistance aux maladies, l'instinct parental et la sociabilité, déclineraient progressivement. Certains traits de comportement, comme le fait d'être trop timide pour explorer de nouvelles zones, seraient également préjudiciables. De plus, les chiens stériles ne pourraient pas assurer la descendance de l'espèce. Avec le temps, les races s'estomperaient et un nouveau type de chien émergerait. Nos amis à poil auraient tous une apparence uniforme, de taille moyenne, de corpulence équilibrée, avec un pelage court de différentes couleurs, des oreilles et une queue droite. Donc, c'est ça l'article. Je suis allé un peu vite pour vous le lire, là, mais en gros, c'est ça. Je pense pas qu'il faut tout prendre cela pour du cash. Là. C'est quand même un article qui est sur un site qui n'est pas si sérieux que ça. Là. Ça s'appelle Slate.fr. Là. C'est un site français. Puis j'ai vu que sur Slate.fr, le Wikipédia, il y a juste 7 personnes qui travaillent pour le site. Puis ce site-là n'a jamais fait de bénéfice depuis qu'il a été créé. Donc, c'est pas un gros site du journalisme. Là. OK? Mais c'est pas grave. Cet article-là, dans le fond, c'est juste pour lancer la discussion, même si c'est pas un article scientifique. Moi, ça m'a permis de réfléchir là-dessus. Mon idée à moi, c'est que si l'homme il disparaît, ben, je pense que le jeu de l'évolution, il ferait quand même son œuvre. Puis oui, il pourrait y avoir certaines races qui pourraient disparaître, puis d'autres qui pourraient évidemment être mieux adaptées à leurs environnements et qui deviendraient probablement les races principales. Mais encore là, bon, par exemple, dans les zones froides, c'est sûrement les chiens qui ont la capacité de survivre au froid qui seraient avantagés, alors qu'à l'équateur, par exemple, où il fait chaud, ça serait une autre sorte de chien qui pourrait avoir l'avantage. Donc, de lire dans l'article qu'une seule sorte de chien uniforme pourrait apparaître sur Terre suite à notre disparition, je pense que c'est pas trop sérieux. Donc, juste à regarder la variété de chiens qui nous entourent en ce moment, puis qui arrive de l'évolution, dans le fond, je pense que ça sera un peu la même chose, qu'on soit là ou pas. Moi, je pense que le jeu de l'évolution, il est tellement complexe qu'il ne faudrait pas sous-estimer l'instinct de survie là, des chiens ou des animaux là, si ça arrive à un autre groupe d'animaux. Par exemple, si on prend 10 chiens domestiques de toute race, puis qu'on les lâche dans la nature, puis qu'on les laisse se débrouiller, je ne suis pas mal sûr qu'il y en a plus qu'un qui vont survivre. Je me dis, quand ils vont avoir faim, ils vont sûrement se mettre à chercher de quoi manger. Ils se laisseront pas mourir sur place. Il me semble, ça c'est un peu les logiques là, de base de l'évolution. Là. Ils vont essayer de se débrouiller, puis les plus forts vont survivre. Bon, c'est sûr qu'il y en a certains qui vont mourir, mais les débrouillards 50 du lot vont sûrement aider les autres, puis essayer de maintenir leur race en vie. Une chose qu'il disait aussi dans l'article que je ne vous ai pas lu, mais que j'avais comme gardé pour conclure, il disait « Les chiens très grands et les très petits seraient aussi désavantagés. » Bon, mais je me demandais pourquoi. Bon, comme mon article n'est pas assez sérieux, là, il ne vient pas nous préciser pourquoi il dit ça, mais je me suis dit pourquoi ne pas essayer de faire le parallèle avec l'être humain. Je suis rendu où là-dedans? Bon, imaginons qu'on est dans une dystopie où ce que l'humain, c'est lui qui survit grâce au chien. Et du jour au lendemain, il disparaît. Donc, on fait comme l'inverse de ce qu'eux disent. On va s'imaginer l'inverse. Puis là, dans notre dystopie, on va se demander est-ce que nos personnes de petite taille naines y seraient désavantagées pour la suite? Je me questionne. Bon, depuis des générations, ce sont nos maîtres chiens qui s'occupaient de nous et, bien sûr, parmi eux, il y en avait qui aimaient avoir des nains comme animal domestique. C'est comme l'équivalent là, de ceux qui aiment avoir les petits chihuahuas là, qui jappent tout le temps. Bon, est-ce que quand nos maîtres disparaîtraient, puis qu'on se regroupe dehors en meute là, pour essayer de nous humains de survivre quand même à leur disparition, est-ce que les personnes de petite taille seraient désavantagées? Eh bien, peut-être. C'est sûr que si on trouve de quoi manger, un pommier par exemple, déjà le nain il a de la misère à attraper les pommes sur les branches basses. Donc, là-dessus, je pense qu'il est désavantagé. Mais il peut être débrouillard. Hein, faut voir l'autre côté de la médaille aussi. Il peut juste aller chercher une échelle. Mais, je me disais, dans un contexte où moi j'ai faim, puis je suis le plus grand, puis que le nain a faim, puis que, bon, la nourriture est quand même limitée, moi je vais juste attendre qu'il monte dans son échelle, puis quand il va être monté, je vais aller la kicker, puis je me dis, après une bonne débâcle, je pense pas qu'il va s'en remettre, puis il va continuer à manger des trognons là, que j'ai laissé traîner. Mais là, je sais pas si c'est un bon exemple, là, je vais chercher un autre exemple. En fait, ce que je me suis dit, allons voir la pyramide de Maslow. Bon, c'est la pyramide des besoins, là, pour ceux qui connaissent. Puis on pourrait valider qui est avantagé. Donc, donnez-moi 2 secondes. Je demande à ChatGPT des explications. Donc, résumé. La pyramide de Maslow, proposée par le psychologue Abraham Maslow dans les années 40-50, c'est une théorie psychologique qui classe les besoins humains en 5 catégories. Donc là, je vous explique un peu c'est quoi la pyramide. Bon, ces besoins sont comme hiérarchisés, de sorte que les besoins les fondamentaux, ils doivent être satisfaits avant que le besoin supérieur puisse émerger. Donc, dans la pyramide de Maslow, il y a 5 besoins. On va commencer par la base. C'est le besoin physiologique. Il s'agit ici des besoins de base nécessaires à la survie, tels que se nourrir, avoir de l'eau, respirer, dormir, se reproduire. Ça, c'est les besoins vitaux. Puis, tant que l'un d'entre eux n'est pas satisfait, ben, il reste un peu comme une priorité à remplir. Donc, dans notre exemple à nous, est-ce que pour les besoins de base, les nains sont égaux à une personne de taille normale? Bon. Pour se nourrir, on a vu avec le pommier là, qui peut être désavantagé. Mais, je me disais, il n'y a pas juste des pommiers là, avec des pommes en hauteur. Là. Disons qu'on trouve une sorte de nain qui aime, lui, les patates. Bon, vis-à-vis d'un nain qui aime les patates, j'ai pas plus d'avantages qu'eux. Là. C'est dans le sol, faut juste creuser. Même qu'ils sont plus proches du sol que moi. Donc, je pense que de ce côté-là, ça peut balancer. Donc, j'en viens à me dire qu'une race de nains à patates pourrait être avantagée par rapport à un nain de pommier. Mais bon, ça reste quand même anecdotique, mon exemple. Là. Je pense qu'on reste égal. Mais bon, j'ai de la misère à me concentrer. Mais bon, dans la pyramide de Maslow, au premier étage, il n'y a pas juste la nourriture à cet étage. Bon, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le sommeil. Ici, je ne vois pas que la taille du nain donne un avantage ou des avantages là-dessus. C'est comme pareil. Mais ensuite, il reste quand même la reproduction à cet étage-ci. Puis là, j'ai quand même demandé à ChatGPT. Bon, il n'était pas content quand j'ai demandé ça. J'ai demandé « Est-ce que les nains ont plus de misère à se reproduire? » Il m'a répondu « Discontent may violate our content policy. » Bon, il n'était pas content que je pose ce genre de questions-là. Là. Mais j'ai reposé la question différemment. Là. Il y a des trucs pour faire répondre à l'intelligence artificielle, même si j'y parle de nains. Là, et j'ai eu ma réponse. Il disait « Les personnes atteintes d'acodromplasie, en tout cas les nains, peuvent rencontrer des défis spécifiques liés à la grossesse et à l'accouchement en raison de la taille réduite du bassin, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont plus de difficultés à se reproduire en général. Donc, je me dis, là-dessus, on serait à égalité, donc on n'est pas plus avantagé. Donc, pour le niveau de base, pour les besoins physiologiques de la pyramide de Maslow, on semble partir tous à égalité. Humain est à égalité là, avec les nains de patates et les nains à pommiers. Maintenant, passons au niveau 2 de la pyramide, c'est les besoins de sécurité. Donc, une fois que les besoins physiologiques sont satisfaits, les individus ils cherchent la sécurité. Cela inclut la sécurité physique, avoir un abri, puis de la protection contre les dangers, la sécurité d'emploi, sécurité financière, la santé, etc. Là, c'est plus dans un monde normal, là, mais dans notre dystopie, disons qu'il n'y a plus de sécurité d'emploi. Donc, dans un contexte de survie, c'est sûr que les nains à patates sont avantagés. Juste par exemple, s'ils décident de s'abriter dans une voiture abandonnée. Ça c'est un exemple. Bon, je peux lire que le record, c'est de 28 filles qui ont de taille normale qui ont réussi à rentrer dans une Smart en même temps. Donc, imaginez des personnes de petite taille. T'en mets quoi, 100, 130 dans une Smart? Mais, bon, disons que pour être à l'aise, on y va avec des chefs plus raisonnables. À 4 personnes de taille normale, on peut très bien s'abriter dans une Smart pour dormir. On n'est pas tassé, on barre nos portes pour ne pas se faire attaquer par des autruches et ça va. Mais des nains à patates, t'en mets quoi? 60? Ils ne sont pas tassés. Puis là encore, ils ont de la place pour jouer au Monopoly puis danser autour d'un feu de bougie. Donc de ce côté, je pense que les nains à patates sont vraiment avantagés. Mais où ça déraille, c'est pour la santé, parce que la santé fait partie de ce niveau-là ici. Ça fait partie des besoins en sécurité, ça inclut la santé. Puis de ce côté, quand même, on doit dire que les nains ne partent pas en tête de peloton. Que ce soit les nains de pommier ou les nains à patates, qu'on a vu là, qui étaient plus avantagés au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé, c'est tout le même problème. Ils ont plein de problèmes. Donc, je pense qu'à ce niveau, il y a un léger avantage pour les personnes de taille normale. Donc, pour le niveau 2, je pense que nous, on serait avantagés. Donc, on continue à monter la pyramide. Niveau 3, ça serait les besoins d'appartenance et d'amour. Ça dit, une fois que les besoins de base sont satisfaits, les individus cherchent à établir des relations sociales. Cela inclut le besoin d'amour, d'affection, d'appartenance à des groupes sociaux, de relations amicales et familiales. Bon. Ici, si je me fie à ma propre expérience, l'avantage, je pense, là, il est totalement vers les mini-mi. Ouais. Qui aime pas les personnes de petite taille? Hein, on en veut tous dans notre meute. Moi, dans un monde dystopique où je suis obligé de survivre, c'est sûr que je me cherche une meute de nains. Quitte à marcher le dos courbé pour paraître un peu moins grand, puis pour qu'ils m'intègrent dans une de leurs communautés là, de nains à pommiers nomades, ben, écoute, moi, j'offrirais de les aider à cueillir les fruits en hauteur s'ils m'acceptent. Ou même, je suis prêt à me salir les mains puis à creuser avec ceux là, qui ont pris la direction des champs de légumes. Donc ici, à mon avis, pour le niveau 3 de la pyramide, la balance elle penche majoritairement en faveur des nains. Là. Je pense que ça vient augmenter de beaucoup leurs chances de survie dans la nouvelle société. Malgré que, je me suis dit, si on fait un parallèle avec le monde du cinéma. OK, imaginons un instant que dans notre dystopie, eh bien, ça évolue un peu comme dans Star Wars. D'un côté, tu as les rebelles, les humains normaux. De l'autre, tu as les Ewoks, qui pourraient être une évolution là, de nos nains à pommiers. Parce que les pommiers, c'est ceux qui sont plus en forêt. Là. Donc, si on se fie au film de Star Wars, l'univers de George Lucas, qui a réfléchi là, lui à ça, puis qui nous a exposé sa vision dans ses films, eh bien, qu'est-ce que la critique en a dit? Comment ils ont jugé ça? Eh bien, les films là, ou les téléfilms des Ewoks, ça a été jugé un peu comme du caca. On n'en parle plus vraiment. Tandis que la trilogie de base de Star Wars, eh bien, c'est synonyme de succès. Bon, et où je m'en vais avec ça? Eh bien, je ne sais plus trop. Donc, laissons les Ewoks de côté, là. On va revenir à nos nains évolués. Bon, les nains de pommier puis les nains de patate. Bon, moi, je donnerais l'avantage aux nains pour le niveau 3, comme je disais. Donc, passons au niveau 4. Bon, niveau 4, c'est quoi? Besoin d'estime. Ce niveau englobe les besoins relatifs à l'estime de soi et à l'estime des autres. Il comprend le besoin de reconnaissance, de respect, de confiance en soi, de compétence et de reconnaissance sociale. Donc, ici, c'est plus comment on va choisir dans notre nouvelle société dystopique 2.0, comment on veut voir les nains. C'est comment nous, on va les voir, qui va être déterminant pour eux dans le fait, dans les faits. Si dans l'eau, par exemple, il y a un héros qui ressort, un genre de Frodon Sakai, puis que ça fait parler, eh bien, ça pourrait influencer la vision qu'on a des nains de façon positive. Faisons un exemple. Disons qu'il y a un feu de broussailles qui se déclare, puis il y a une meute d'humains qui s'est laissée piéger au centre puis qui est entourée de feu. Bon, la meute est donc encerclée par le feu, puis là, pas moyen de s'en sortir. On va tous brûler, mourir ou asphyxier. C'est une question de temps, là, le feu se rapproche. Mais, pour s'en sortir, Mogmi, il lui dit, « Lancez-moi de l'autre côté du mur du feu, je vais ramener des secours. » Et là, bon, les plus grands, ils pognent, puis ils lancent. Et, bon, manque de bol, ils tombent direct dans le feu, puis ils brûlent. Bon, comme les autres, les grands, ils n'ont rien à perdre, ils attrapent tous les autres nains, puis ils égarochent par-dessus le feu. Et Conan, bon, oui, il y en a un qui avait pris le nom de Conan là, dans la nouvelle société, eh bien, le Conan de 3 pieds 1, il est tiré assez loin, lui, de l'autre côté du feu, ce qui fait qu'il a le temps de courir avec ses petites jambes à un camion de citerne qui réussit à amener sur le feu puis à laisser écouler l'eau pour que les autres se sauvent. Bref, dans notre exemple, Conan joue les héros. Eh bien, dans ce cas-là, la légende de Conan pourrait finir par se répandre et influencer de façon positive la vision que l'humanité 2.0 a des nains. Bon, je ne sais pas si mon exemple a été assez clair. Bref, dans un cas comme dans l'autre, que ça soit positif pour la communauté des nains cueilleurs de patates ou négatif, après ça, peu importe, si la légende se répand, la seule chose qu'on est sûr, c'est que le lancer du nain va avoir été remis à l'honneur suite à l'exploit de Conan. Bref, tout ça pour dire que c'est une médaille à deux côtés. Je pense qu'on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Donc, on continue à monter notre pyramide et on arrive au sommet, niveau 5, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Bon, ce niveau, on dit quoi? On dit que ce niveau représente le sommet de la pyramide et concerne le désir de devenir la meilleure version de soi-même. Il inclut le besoin de réaliser son potentiel, de poursuivre ses objectifs personnels et d'atteindre l'épanouissement personnel. Ici, bon, j'ai de la misère à me prononcer. J'ai pas assez d'amis nains autour de moi pour évaluer correctement ce niveau, je pense, ou inventer des choses. Bon, on se rappellera quand même, mon expérience avec les nains se limite pas mal à avoir nourri un jour un nain. Bon, j'avais nourri un nain à patates à Foire agricole, là. Et oui, ben oui, c'est ça, je dis un nain à patates, c'est vrai, parce que je lui avais donné des patates. C'est quand même une belle coïncidence, là. J'avais pas réalisé jusqu'à maintenant que c'était une naine à patates que j'avais rencontrée là, à la fin. Bref, bon, j'allais où avec mon niveau 5? En fait, pour le niveau 5, je pense que je ne me prononcerai pas. Je vais plutôt poser la question à ChatGPT, ce qu'il pense de tout le raisonnement là, que j'ai fait. Je vous lis ma question puis sa réponse pour conclure. Donc, ChatGPT. Suivant la pyramide de Maslow, comment, dans une société dystopique, les nains s'en sortiraient-ils face aux grands? Serait-il avantagé ou pas? Réponse de ChatGPT. La réponse à la question de savoir si les personnes de petite taille comme les nains seraient avantagées ou désavantagées dans une société dystopique dépend de nombreux facteurs spécifiques à la nature de ces dystopies. Cependant, nous pouvons spéculer sur la base de la pyramide de Maslow et d'autres considérations. Pour les besoins physiologiques, les personnes de petite taille pourraient potentiellement avoir des avantages ou des inconvénients en fonction de la disponibilité des ressources physiologiques de base. Nourriture, eau, abri dans la société dystopique. Si les ressources sont rares, la taille peut ne pas être un facteur déterminant. Pour les besoins de sécurité, la sécurité physique peut être un point délicat. Les personnes de petite taille pourraient être plus agiles ou discrètes, ce qui pourrait être un avantage dans certaines situations. Mais elles pourraient également être plus vulnérables dans d'autres circonstances. Bon, là, je me rends compte que la réponse de l'intelligence artificielle, c'est un peu noir ou blanc, là, donc on va arrêter de la lire. Parce que j'ai l'impression qu'elle répond « oui, c'est avantageux si ceci, mais si c'est cela, c'est désavantageux. » Donc, c'est un peu inintéressant. Donc, si vous me permettez, je vais reposer la question différemment à ChatGPT, car vous ne savez peut-être pas, mais il faut l'entraîner là, pour avoir des meilleures réponses. Il faut lui préciser des choses. Il faut donner des précisions sur ce qu'on demande, puis elle, ça l'aide à préciser sa réponse. Donc, j'y vais. ChatGPT, pourrais-tu être plus précis? Si, par exemple, les nains évoluent en meute, des nains à patates et des nains à pommiers, par exemple. Réponse. Si nous imaginons une société dystopique où les personnes de petite taille évoluent en groupes distincts comme des nains à patates et des nains à pommiers, cela introduit des éléments de spécificité culturelle et sociale qui peuvent influencer leur survie et leur bien-être. Voici comment cela peut être envisagé selon la pyramide de Maslow. Donc, pour le premier niveau, elle dit les groupes spécifiques de nains pourraient avoir des stratégies différentes pour répondre à leurs besoins. Par exemple, les nains à patates pourraient se spécialiser dans la culture de patates, puis les nains à pommiers pourraient se concentrer sur la culture de pommes. La compétition pour les ressources pourrait alors devenir un facteur important. Besoin de sécurité, les groupes pourraient se développer. Bon, finalement, c'est redondant encore. Et bon, là, je vais vous le dire, là, j'ai reposé plein de fois la question à l'IA par la suite. Je voulais l'obliger à choisir, là, puis à pencher d'un bord ou de l'autre. Je disais, si hypothétiquement, pour ta survie, tu dois toi-même intégrer une meute de nains à patates ou une meute de nains à pommiers, je lui demandais de choisir, puis sa réponse a toujours été la même. Elle disait « La décision sera pragmatique, basée sur des conditions spécifiques de la dystopie et les compétences nécessaires pour maximiser les chances de subsistance. » Donc, je suis obligé de lui dire si un côté ou l'autre est plus fort. Donc, elle s'attendait à ce que moi, je lui dise que les nains à patates, par exemple, seraient favorisés. Et dans ce cas-là, elle finit par choisir les nains à patates. Donc, voilà mon gros dossier sur... on parlait quoi de là, déjà? Là? C'était quand même amusant. Bon, je vous rappelle que l'on parle présentement d'un article qui s'intitulait « Que deviendraient les chiens si nous disparaissions? » Vous devez quand même me l'accorder. Là. J'ai réussi à parler de Ewok en réponse à ça. Là. Moi, je suis quand même assez fier de moi. Bon, j'avais dit bien sûr qu'on ne parlerait pas de nains dans cet épisode du Lobster. Donc, pour respecter ma parole, on va terminer en musique. Je vais vous dire merci d'avoir été là puis passez une belle semaine. Puis, si vous avez la chance de rencontrer des nains ou vous en avez dans votre entourage, ben n'hésitez pas à vous prendre en photo avec et m'envoyer ça sur le site Facebook du Lobster. Puis, si c'est possible, de me dire si c'est un nain à patates ou à pommier que vous avez rencontré. Question pour moi de comptabiliser ça là, dans mon fichier Excel, car je débute une étude pour savoir s'il y a plus de nains à patates que de nains à pommier. Donc, ça, c'est de la science participative si vous m'aidez. Voilà! Merci d'avoir exploré l'univers fascinant des nains à pommiers et des nains à patates. Qui aurait pensé que la survie dans une dystopie dépendrait autant de la culture des pommes et des patates? Peut-être qu'à la fin de la journée, la vraie question, justement, c'est pas de savoir qui a les meilleures compétences, mais plutôt laquelle de ces deux meutes organise le meilleur pique-nique. Là, imaginez, bon, une fête avec des tartes aux pommes et des frites de patates fraîches. Une combinaison parfaitement équilibrée de l'art culinaire nain. Donc, peut-être que la clé ultime de la survie réside simplement de la capacité à bien se régaler. Donc, mes amis, que votre survie soit aussi douce que la meilleure tarte aux pommes et aussi croustillante que les frites les plus parfaite. Et l'important, c'est quoi? Eh bien, c'est de prendre le tout avec une touche de insouciance. Voilà! Bonne fin de Lobster! Every Sunday.

Attention, parce que là, va pas falloir me le dire deux fois. Et puis on a du poids là-haut. Quand on dit quelque chose, j'aime autant vous dire qu'on nous écoute. Oui, sur une échelle de 2 à 76, et là je préfère prendre large, de 2 à 71, on nous écoute pas. De 72 à 75, on nous écoute toujours pas. Et seulement à 76, on nous laisse parler sans nous engueuler. Je suis pas d'accord. Là, vous parlez d'une époque qui est loin derrière nous. Du passé, faisons table en marbre et il faut regarder les choses en face. On est beaucoup plus pris au sérieux qu'avant. Ouais, allez-y. Quoi, allez-y? Allez-y, lancez-vous. Je sais que c'est compliqué, mais accrochez-vous. Vraiment? Je crois que c'est trop balèze pour moi. Mais non, allez-y. Sur une échelle de 5 à 10. Ouais. De 5 à 6, c'est une époque qui est loin derrière nous. De 7 à 9, du passé, faisons table en marbre. Et à 10, on est beaucoup plus pris au sérieux qu'avant. J'ai bon? Non, c'est n'importe quoi, mais bon, ça fait rien. Le principal, c'est d'essayer. C'est ça qui compte. Comment ça que je parle comme un agriculteur? Non, un gros agriculteur, j'ai dit. Non, mais il prenait pas mal, il dit ça, c'est pour vous, hein. C'est dommage, vous faites pas d'efforts. Vous avez pas le réflexe d'attraper le pigeon au vol. Mais quel pigeon? Tiens, voilà, c'est encore pareil, là, c'est une image. Vous devriez plus utiliser les images quand vous parlez. Ça relève le niveau un peu. Par exemple, pour dire qu'il fait chaud. Moi, je dis ça, attention, c'est lui qui m'a tout appris, hein. Vous dites pas « qu'est-ce qui fait chaud ?» Vous dites « la chaleur est un plat qui se mange froid ». Très bien. Hé, sans blague, j'ai fait des progrès ou pas? Attendez, sur une échelle de 3 à 8, de 3 à 4, vous parlez normalement, de 5 à 7, vous avez fait beaucoup de progrès, et seulement à 8, vous êtes toujours un gros con. Alors non, c'est bien.